sur Tolin et Arbatax tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Wow. Vous écoutez Tortoli et Arbatax, c'est le 105.4, c'est Radio Panique. Comment allez-vous, Arbatax? Yes, sir. Je vais très bien, si on m'entend. Apparemment, oui. Oui, c'est bon. Allez-y. C'est le petit retour dans le casque, évidemment, qui va s'arranger un peu plus tard. Vous êtes en connexion avec le 105.4, auditeur, tu connais la fréquence, il n'y a pas de problème. Tortoli Arbatax, de retour après une fat émission la semaine dernière. C'était une spéciale love, une spéciale bisous, Saint-Valentin. On a fait le buzz, Exactement, avec cette émission. Ouais. On a appris à faire des cœurs sur Facebook. Exact. C'est un truc, tu mets une espèce de flèche. Lâche pas l'info, non. Vous trouverez ça sur les forums. Les forums de Tortoli Arbatax. Tortoli qui tient un forum. Première info, premier scoop dans l'émission. Toi tu tiens du vrai rhum, moi je tiens un forum. Prends ça. Bim. Ah, ça commence très fort. Et cette semaine, un petit invité qu'on a rapporté dans les bagages, Natos. Natos, un pote de quartier, qu'on a grandi ensemble dans la rue. En fait, il est venu juste faire un teaser pour la semaine prochaine, juste pour dire qu'il sera là la semaine prochaine et qu'il vient nous balancer du son la semaine prochaine. Et pour parler de poids aussi, je crois. Mais voilà, et il se trouve qu'il a des arguments à faire valoir. Et pour dire que la semaine prochaine, on enverra du lourd, quoi. C'est vrai. Tout ça, tout bien fait. Donc l'ami Natos est présent avec nous pendant une heure. Tu parles pas, c'est comme tu veux. Est-il que la semaine prochaine, tu seras là. Je serai là. Pas de soucis là-dessus, quoi. Tu peux faire ta pub, tu peux passer par-ci, par-là, voilà. Durant l'heure, t'es là. La semaine prochaine, ça sera une spéciale, toujours à l'Est. De plus en plus à l'Est. De plus en plus. Voilà, suivez mon bras. et voilà, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est Mardi Gras, on est le 21 février. Waouh, c'est Mardi Gras. Ouais, c'est Mardi Gras. Donc on a bien réfléchi, on a fait un brainstorming, on a fait une table ronde. Donc j'ai bien oublié de faire des crêpes pour... à la maison. J'ai pris ça pour l'occasion. C'est la chandeleur, ça, je pense, non? Ah bon, Mardi Gras, c'est quoi, alors? C'est quoi, c'est des beignets? Mardi Gras, c'est carnaval. C'est le carnaval, c'est le début de la période des carnavals. Donc si t'es à Rio, si t'es à Binche, si t'es un peu... Où que ce soit, toujours est-il que la Belgique, terre de carnaval, et Tortoli Arbatax, émission de gras. Et Natos, gras. Et Natos, c'est gras. Natos, Fatos. J'ai pris 100 kilos pour l'occasion, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, je sais pas si c'est la barbe ou si t'as pris un peu de poids, mais je te trouve changé. C'est la carrure. Il a bien changé. Et pendant que lui a bien changé, nous n'avons pas tellement changé nos habitudes, puisque en termes de générique, on a toujours un générique assez pourri, à savoir un générique de carnaval ce coup-ci. Ce coup-ci. Ah, je te laisse un petit peu deviner de quoi il va venir. Allez, mets-nous dans la danse. On se rejoint juste après ça. Balance. Voilà le vrai générique, Fat Man Scoop, puisqu'on fait une émission spéciale gras, gros, Fat Man. Be quiet, all the chicken heads, be quiet. Yeah, baby, stop. up, pick it up, pick it up. Let's go. Who fucking tonight? Who fucking tonight? Who fucking tonight? Ow, ow. Who fucking tonight? Who fucking tonight? Who fucking tonight? Ow, ow. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Stop playing, keep it moving. Keep it moving. Radio Panique présente. Tortoli. Bam lam, whoa. Arbatax. Bam lam, black Betty had a child. Bam lam, the damn thing gone wild. Bam lam, said a word, not a mind. Bam lam, the damn thing gone blind. Bam lam, said, oh, black Betty. Bam lam, whoa, black Betty. Bam lam. Tous les mardis de 17h à 18h sur Radio Panique. Ouh là là là là là là, ce petit jingle qui nous met bien dès le début. Il est bien celui-là, il est bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien. Il est bien ou quoi Nathan celui-là? Il est parfait. Il est gras, il est gras, c'est normal, c'est mardi gras. On est trop fat. Et c'est comme quoi les événements s'enchaînent. Je sais pas, la semaine dernière on s'était mis bien, enfin on avait essayé de se mettre bien pour la Saint-Valentin, comme tout le monde, c'était de perdre 100 grammes, un petit bout de flanc gauche, un petit bout de cuisse. T'étais allé quand même à la friterie de la barrière pour la Saint-Valentin. Oui, pour offrir un gros paquet de frites, ouais. Gros paquet. Ouais, un gros paquet. Sauce riche. Et pour changer de la sauce mamouette de la friterie de Fontenas, parce que j'alterne. Comme... Quand j'ai la flemme de monter là-haut en haut de Saint-Gilles, je reste en bas. Et par contre, oui, voilà, et du coup, tu te mets bien le 14 pour la Saint-Valentin, et le mardi d'après, boum, faut se mettre gras. Il joue avec notre corps, en fait. Une semaine pour prendre 100 kilos. Et nous allons jouer avec tes nerfs, auditeurs. Que du gras cette semaine. Fatman Scoop, en fait. Ouais. Il y a eu une sorte de petit pull-up sur le générique. On est parti sur Fatman Scoop. Au début, c'était quand même plutôt un générique sur les schtroumpfs, sur le carnaval. On était parti plutôt sur la thématique du schtroumpf, du bonnet blanc sur un corps bleu. Mais là, on part sur du fat. Tous les morceaux, tous les artistes, tous les groupes seront en relation avec le fat. Les le animateurs gras. Aussi, notre invité est fat. Notre invité est fat. Notre bouche est fat. Tout est fat. Tout est fat. Et pour ce faire, deux morceaux à suivre qui m'apparaissent. Les noms m'apparaissent là, je les découvre à l'instant en même temps que toi, sur Twitter. Voilà. On me fait signe que le premier, allez, il vient du Québec. Montréal. Yes, I. Bien joué. C'est celui-là. Ça s'appelle Fat Tuesday, donc je te incroyable. Ferai pas la fronde de la traduction. Fat Tuesday en ce jour si fat. Et en ce jour, beignet des dieux. Fat Tuesday, le nom du morceau là, avant de l'envoyer, c'est logique. Non, logique. Logique. Logique. Ok, autant pour moi. Voilà. Tu fais une question, je fais une réponse. Voilà. Et on le mixe, c'est-à-dire au niveau du BPM, du mix harmonique, etc. On le transitionne tranquillou avec une autre fanfare qui nous vient d'Outre-Rhin. Elle vient exactement. Voilà, de quelle province, je ne sais pas. Mannheim. De quel lander. Mannheim. My name is. C'est une ville industrielle du Bad Württemberg, dans le sud-ouest allemand. Spécialité culinaire. J'aurais pas dû poser la question en fait. Non, il n'y a pas de. Des fois la réponse. Il n'y a pas de souci, hein, c'est sud-ouest allemand. Ok, d'accord, le sud-ouest allemand. Donc en général, le sud-ouest en plus, c'est assez gras. Spécialité choucroute. Spécialité. Choucroute dans le sud-ouest, ouais, ouais, bien sûr. Oui, en fait, le sud-ouest français, c'est le cassoulet, le sud-ouest allemand, c'est la choucroute. Chacun choucroute. Son sud-ouest. Et là, en fait, pour en revenir à cette fanfare, ce brass band, ça s'appelle Mardi Gras Brass Band. Ouais. Ça a été traduit ou il s'appelle vraiment comme ça, même en Allemagne? Il s'appelle vraiment comme ça, comme les autres s'appellent Fat Tuesday. Eux, c'est Mardi Gras Brass Band. D'accord. Et par contre, ça s'appelle Herb Cookie. Donc voilà, des petits biscuits à l'herbe. Ça, c'est pas trop carnaval. Hein. J'aimerais bien te poser des questions là-dessus. C'est quoi ces cookies à l'herbe, Natos? Tu connais, toi? C'est... Non, je te lance une question piège. Non, je connais pas, mais. Je pense que ça vient de ça, là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas ce que c'est que ces petits flyers. Ouvrez ceci, partager du temps avec quelqu'un qui cherche à sortir de sa solitude. Tu crois que ça. Attends, je sais pas. On a des petits flyers qui traînent ici en studio, tortelés. Toi, tu ne peux pas les voir. Je préfère pas. On va regarder ce qui est marqué dessus, mais effectivement, ça. Alors, il y a marqué tu voudrais devenir pote. Oui. Mais avec qui? Bah, pas avec toi. Ah. Déjà. Merde. Et les gars, je vais vous laisser dans votre merde. Non, mais il n'y a pas de problème. Natos, on a deux émissions, on a signé un contrat pour deux émissions. On va les faire, il n'y a pas de problème. Et tout de suite Fat Tuesday sur Tortelier Herb Attack sur Radio Panique, c'est le 105.4, c'est Mardi Gras. Bah, c'est gras. Ouh. Du lourd. Hosties d'animateurs Tortelli et Herb Attack pour la crise de Radio Panique, que nous aussi au Québec on peut écouter sur www.radiopanique.org. We'll be right back. Tortoli et Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment choisir un foie gras frais comme ça, ça? Foie gras frais, il faut qu'il soit de belle couleur, il faut qu'il soit bien, bien jaune. Il ne faut pas qu'il soit rouge. Vous voyez là, il est un tout petit peu rosé. Mais s'il est rouge, ça veut dire que il est sanguin et ça ne va pas être joli. Puis c'est un foie gras qui a été mal tué. Alors très très important, il faut certainement, quand vous l'achetez, que ici, c'est là que se trouve la poche de fiel. Il était bien, bien, bien tué et que la poche n'y ait pas de traces vertes. Parce que si vous avez une trace verte, le fiel peut aller jusqu'au bout. Et alors ça, c'est immangeable. Alors, pareil, il faut que le foie gras, vous voyez, quand vous appuyez dessus, ça s'enfonce légèrement et à la rigueur, ça revient. Il ne faut pas qu'il soit trop ni trop dur. Bon, sur le foie gras, vous avez toujours deux lobes. Je ne sais pas si vous avez bien compris la préparation du foie gras. Évidemment. Chers messieurs. Évidemment. Pour lâcher la poche de fiel. Alors ça, j'ai pas du tout compris. Voilà. Par contre, s'il est un peu rouge, il est un peu sanguin. Hein. C'est comme le. S'il a été mal tué. Il ouais, a été voilà. mal tué. Ah, ça, c'est comme. voilà. Donc comme, voilà, parce comme que le tortoli, quoi. Il faut qu'il soit un peu rosé, mais pas trop rouge sinon il est trop sanguin. Ni vert. Ni vert, parce que non, sinon ça va pas, quoi. C'est arrivé. Hein. Il y aura la chronique du Français de la semaine cette semaine ou pas? Ça va arriver. Ça va arriver, d'accord, très bien. Je garde en stock dans mon gras ce que je voulais dire. Le foie gras, non, très bien, très bien. Foie gras, c'est très bien. Sans transition, on a une petite annonce à faire. Non. Si, on a une annonce. On a une annonce ce vendredi ou ce samedi? Vendredi 24. Ouais. Vendredi 24 février, vous allez vous rendre, parce que vous n'avez pas le choix. Enfin, tu vois, ça se passe comme ça. Vous allez vous rendre au 123 rue Royale à 1000 Bruxelles pour la mini queer panic party. Ça fait suite à la clôture de la programmation transversale sur genre, transgenre, qui avait eu lieu en novembre, décembre, sur les ondes de Radio Panique 105.4 FM à Bruxelles, www.radiopanique.org. Énorme radio. Toujours est-il qu'il y a une grosse fête pour finir, clôturer l'affaire. Ça se déroule vendredi 24 et il y a des concerts, notamment Apoplexie, il y a des audiodiffusions, c'est-à-dire des diffusions des émissions qui sont passées durant la programmation transversale, à savoir L'Étranger, Archétype Transversal, Le Drag Queen, il y a des DJ. Je vous les donne vite fait en mille. Si c'est possible. Nancy, Cœur Vert, DJ Atom, et voilà, il y a le prix. Quel est ton prix? Prix libre. Allez, bien, c'est prix libre. C'est pas, voilà, je le savais. Exactement ça. On a rappelé l'adresse? 123 rue Royale. Ok, c'est connu. Hein. C'est au ras du Botanique. C'est là où on peut les manger gras le dimanche soir. Et gratos. Enfin, gratos, non, ça c'est. Faut pas expliquer ma technique, arrêtez. Ah non. Je vous l'expliquerai. Il donne des shillings, lui, dans la grâce. Ouais, je mets des jetons, des trucs de caddie et tout, vous inquiétez. Enfin, je vous explique plus tard. Une technique de Roumain. Une grâce technique. Je vous explique. En attendant cette petite soirée, là maintenant, tout de suite, y a pas une petite chronique? Non, moi je pensais plutôt mettre un petit son, non? Qu'est-ce que tu veux mettre comme chronique? Mais on a qu'à mettre un son. Bah, moi j'avais une fat expression de la semaine, c'est pour ça que. Je me suis peut-être un peu hâté. Ah non, mais y a pas de souci si tu veux. Allez, bon, les gars, on y va. Expression de la semaine. Grâce Kelly. Bon, il va falloir patienter un petit peu, les gars. Y a pas de souci. J'étais perturbé dans ta playlist. Bah, tu m'avais pas fait de playlist. Je balance un son alors. Ok. Allez. Et c'est quoi? C'est grammatique. I'm doing my things. C'est grammatique. I'm doing my real thing. Voici Bernard Minet, Jason Derulo, Marc Dutroux et Loana. Au monde, ils ont tous répondu oui à une interview exclusive sur Tortoli et Arbatax. Direct depuis New York City, tes artistes préférés seront là, en live, rien que pour toi. Les plus grands DJ en set exclusif, c'est surtout du hit. Toi petit chat, toi petit chat, chat, chat, chapeau de paille. Hit. Petit poney, petit poney, tu es tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney. Hit. Je me sens définitivement comme une bombe triste. Définitivement. Radio Panique, Radio Panique. Hit music only. It's music only. Salut, salut. Vous êtes de retour sur la spéciale Mardi Gras de Tortoli et Arbatax sur Radio Panique 105.4 FM à BXL. BXL, toujours avec notre pote Gratos. Gratos, aka Natos. Ouais, aussi, c'est bon, graffeur à 16h. C'est ça, hein? Non. Aussi gros lourd. Non. Il est aussi gros lourd, non? Non, ça j'ai arrêté depuis 1872. Alors ouais. Pour rappel, Natos, cette semaine il fait rien. Cette semaine il est juste là pour squatter, pour s'habituer un petit peu au lieu, parce que c'est pour, plutôt la pour semaine voir prochaine. Comment les micros sont le son. Voilà, enfin, je regarde quoi, j'observe, je me dis waouh. Pour commencer, ça va, c'est bien, tu kiffes ou pas? Ouais, ça va, c'est ça va, ça ira la semaine prochaine. Assez, c'est assez gros quoi. Parce que la semaine prochaine elle est pour toi l'émission, hein. C'est carte blanche. Il vient pour commencer des phrases et il les finira la semaine prochaine. Exactement. Très bien. Je te jure. Et ben, en attendant de t'exercer sur tes propres phrases, écoute, puisque c'est la prochaine expression de la semaine qui arrive dans tes petites dents, Gratos. La chronique. La chronique de la gromaine. De l'expression de la semaine. Qui commence? Qui commence? Natos, tu peux déjà réfléchir à quelque chose si tu veux t'immiscer dans le game, dans le jeu. Genre dans le rap game. Dans l'expression game. Allez, Tortoli, à toi en premier. Je suis curieux. Moi, je vais d'abord rappeler les scores si c'est jouable. Vas-y, ça vous dérange vas-y, pas. Vas-y, grappelle. Juste pour vous rappeler que j'ai gagné. Oh, voilà. T'as gagné. j'ai gagné. Oui, la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, c'était la semaine dernière, souviens-toi, c'était une Saint-Valentin. Exact. Il y avait Vous êtes pas multiprise face à Craquante comme une biscotte. Ça c'était retenu par oui. Monsieur Feuillin, aka non, Docteur Follamour. C'était la mienne. Ah, c'était la mienne. Okay. Et tu m'as couru dans la tête, ça c'était. Voilà. Feuilla. Voilà, c'était les phrases de drague ridicules pour la Saint-Valentin. Et qui a gagné? Donc, il bah, y a eu 3-3-1. Donc, ouais. Comme j'ai les commandes du studio, j'ai donc, gagné. Tu voilà, je parle tout seul si je veux aussi. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Tu es le fasciste. Donc, je suis un fasciste, il n'y a pas c'est de clair. Donc voilà, encore une victoire pour les canards. Mais non, pas une victoire, attends, on rappelle les scores, hein. Vraiment 3-3. Hein, donc y a pas 3-3 et 1 pour notre invité. Donc tu vois, Gratos, le fait de venir en tant qu'invité, tu n'es pas forcément gagnant pour l'expression de la semaine. Mais par contre, tu es en lice pour l'expression, pour le best-of des blador, hein, évidemment, de l'expression de la semaine, en chaque début d'année. Donc là, ça y est, ça c'est. Faut que tu le saches. Pas de soucis, pas de soucis. Janvier 2013, tu seras peut-être dedans aussi. Oh là là. Hein, chaque apparition à la radio. Est comptabilisé pour les blador. On compte sur gras. Je peux compter sur gras. Hein. Bon alors, et au-delà de ces scores de la semaine dernière, fin du suspense. Fin du suspense. Tortue, nous allons annoncer les heureux élus, les heureux élus expressions de la semaine. La mienne est la suivante. À moins que tu veuilles commencer, Arbatax. Ah non, je te laisse. C'est comme gras, tu veux. Il y a pas de souci. Gratuit. Toujours est-il que la mienne, mon expression est disputer le bout de gras. Se disputer le bout de gras, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, t'as un billet à partager avec un ami, bah tu te disputes le bout de gras. Ou alors tu fais un petit débat avec quelqu'un, mais de manière assez gentille, ça peut être aussi se disputer le bout de gras. Tout à fait, exactement. Voilà. Exactement, c'est très correct. J'ai fait une expression un petit peu en rapport avec cette thématique, disons, journalière. Et c'est tout honorable et je pense que c'est le seul honneur que tu auras. À partir de maintenant, puisque les scores parleront d'eux-mêmes, je pense. Hein. Natos, je sais pas si tu kiffes, tu valides ou pas. Gratos, je suis pas fan. Ouais, pas assez fat, justement. Pas assez fat, ouais. Pas assez fat. C'est déjà dur. Natos, c'est déjà. J'ai. T'as peut-être une autre expression. Je prends. Donc la mienne sera. Aujourd'hui, je fais un régime drastique. Oui, elle est pas mal. Elle est pas mal. Tu me vois sourire ? Oui. Eh ben non. Grastic, c'est pas mal. Ok, c'est-à-dire que tu te mets au gras, quoi. Ouais. Tu t'autorises tous les acides gras, quoi. Très bien. C'est bon, c'est validé, je note. Et moi, je fais. Au lieu de dire c'est du lourd, c'est du tu fat, tu dis c'est du pondéreux, ça, mec. C'est du pondéreux. Ça, c'est du. C'est pondéral, quoi. Non, mais c'est pondéral, ça, bah ouais, c'est ça se rapproche du quintal. Ce que j'ai préféré, c'était ton exemple. Pondéreux, voilà. Ces mecs, c'est pondéreux. Au lieu de dire c'est du lourd, c'est du fat, tu dis c'est du pondéreux. Voilà. Je crois qu'on a. On est ok. Ouais, on a fait le tour. Ouais. On est ok. Donc, je récapitule les trois expressions de la semaine qui sont. C'est du pondéreux. Bien gratiné. Donc, du pondéreux contre un régime grastique, contre se disputer le bout de gras, défendre son bout de gras. Comme le fait Tortoli, comme il aura du mal à le faire, je pense, cette semaine. Mais enfin bon. Chacun son bout de gras, ça se passe sur Facebook, tu nous lâches un petit commentaire avec ton choix. Ton numéro de téléphone. Et non, surtout pas. Compte pas sur moi pour me rappeler, je suis sur free. Bah, c'est ça. Voilà, j'ai pas d'argent. Laisse tomber. Lâche-moi, quoi. Laisse tomber, j'ai plus de forfait. Et par mail, tortoliherbatax@gmail.com. Voilà comment ça se passe. C'est le retour du son. De la gras musique. La gras musique. La grasse musique. Du Viagra. Et les Grammy Awards. Viagra musical. Ah oui, bien joué, Grace Kelly. Voilà, bravo. C'était gratos, ça. Merci. Tranquille, tranquille. On repart sur du fat, on repart sur du slim, on repart sur du fat boy slim. Ah ouais. Voilà. Eh ouais, mon frère. 105.4, une émission bien grasse. Ça s'appelle Funk Soul Brother. Ah bon? Funk Soul Brother. Pas compris. Funk Soul Brother. Funk Soul Brother. Oh yeah. Funk Soul Brother. Right about now. About now. About now. About now. Right about now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, Funk Soul Brother. Check it out now, Funk Soul Brother. Right about now, now, now, now, now, now, now, now. Right about now, now, now, now, now, now, now. Right about now, now, now, now, now, now, now. Right about now, now, now, now, now, now, now. Right about now, now, now.

c'est quoi, Bourdon et Campan, sont ouais. dans la cuisine là. Se gratte la nouille. Et juste avant, Fatboy Slim, Funk Soul Brother, et on est toujours avec notre invité, gros invité, gratiné, énorme, gratos, énorme. Hey. Je n'arrête pas de grossir, je ne maigris pas en tout cas pour l'instant. Il gonfle. Il va falloir me sortir avec une pelleteuse. Et toi, Tortoli, qui a ton foie gras, ça va? Ça gras. Tranquille. Bon les gars, gras du bide, français de la semaine, qui sont ces français qui nous font rigoler, qui font l'actu, qui font le buzz cette semaine? Qu'est-ce qu'on a eu, à qui on pense en fait en premier cette semaine? Il y a du monde, outre la loutre, Yvette Horner, il y a en premier nominé Yvette tout court. Il y avait Yvette, voilà, Yvette une agricultrice. Agricultrice, je ne vais pas y arriver. Agricultrice transgenre et candidate à la présidentielle. Je ne savais pas. Il se trouve que Yvette Pirot est une agricultrice retraitée, transgenre et qui habite dans le Berry. Rien à voir avec Richard, mais qui depuis peu est candidate à l'élection présidentielle. Oh mince. Il se trouve qu'elle est consciente qu'elle va pas forcément avoir les 500 signatures pour se présenter pour l'élection présidentielle, mais toujours est-il qu'elle a décidé de faire campagne. Et donc voilà, elle ira jusqu'au bout, elle vient de boucler son programme, donc elle préconise la diminution du nombre de parlementaires, la relance de l'apprentissage, l'instauration, enfin pas mal de conneries, un peu comme tout le monde, mais surtout elle a un argument bien à elle, elle incarne pour elle la parité à elle toute seule. Eh oui, oui. Puisqu'elle est transgenre, voilà. C'est-à-dire, on va faire un petit rappel de la définition transgenre. Oui, pas forcément. Non, ne la faisons pas. Mais non, parce que on a déjà parlé et puis. Vous renvoie au podcast. Voilà. Enfin, ce qui est bien, c'est que en tant qu'agricultrice, enfin agricultrice, je pense que faire campagne, ça va, elle connaît quoi. Bah oui. Elle va être à l'aise quoi. J'avais préparé bien mon papier. J'avais. Et Natos est en train de me dire, mais quel est son programme? Gramme. Ah, programme. Ah, d'accord. Ouais. Non. On s'en fout. Ouais. Pas obligé. C'est pas obligé. Sur son programme qu'elle gagne sa nomination dans la chronique de la chronique de l'expression de la semaine. Et qui gracieusement lui donnera les 500 signatures. Ouais, je ne sais pas. Peut-être. Non, je ne sais pas. Elle peut toujours gratter quelques signatures. Elle va les grappiller partout. Hein. Exactement. Exactement. Deuxième nominé. Mais moi j'ai noté Marine Le Pen là. Alors, toujours en parlant de campagne présidentielle, puisqu'elle aussi est candidate, qui nous fait le buzz cette semaine avec une petite affirmation dans les médias comme ça. Elle nous a lancé que de toute façon, en Île-de-France, toutes les viandes qui sortaient des abattoirs d'Île-de-France étaient halal. En fait, qu'on mentait aux consommateurs qu'elles étaient toutes halal, même ceux qui n'ont pas l'étiquette halal. En fait. Bon, en fait, ça a été démenti très largement dans l'heure qui a suivi. J'ai du mal à y croire. Bah oui, non, mais tu m'étonnes. Et voilà, donc Marine Le Pen, toujours première sur les sujets qui importants, quoi. Discussion voilà. Grasse. Voilà, elle est là. Des sujets graves. Donc ça, c'est la deuxième nominée. Voilà, la viande halal de Marine Le Pen. Et troisième nominée, bah alors là, celui-là. Un habitué. Et je pense qu'il a été trouvé par notre gratos du jour, là. Non. Alain Bougra. Du cours. Alors, Alain Bougra du bout. C'est assez difficile à dire. Bougra du bide. Pourquoi est-il nominé? Simplement pour son. C'est juste pour son nom, je crois. Pour le jeu de mots. Bout de gras. Parce que ça faisait référence à ton bout de gras de l'expression de la semaine. Donc, Alain Bout de gras du bourg. Je pense qu'il est. C'est vrai. Et voilà, juste par son nom, quoi. Mais le nom est très important dans une vie, dans une carrière. Hein. C'est, oui. On sait pas comment ça peut influencer. N'est-ce pas, gratos? Bon, pas de soucis là-dessus, quoi. Voilà, et cette semaine, exceptionnellement, quatrième nominé, puisque c'est une semaine lourde et pondéreuse en information. DSK, c'est le retour de DSK dans la chronique du français de la semaine. Qu'a-t-il fait? C'est quoi? C'est le FMI? Je ne sais pas. C'est Dominique Strauss-Kahn. Toujours ce jingle toujours efficace, Dominique Strauss-Kahn qui a donc été inculpé une fois de plus et là qui à l'heure où nous parlons est en garde à vue, figurez-vous, pour l'histoire du Carlton à Lille, me semble-t-il, avec en garde à vue, voilà, exactement, avec le bien nommé Dodo La Saumure. Ah oui, mais voilà, ah. C'était. Ouais, bien sûr, mais ça fait un bout de temps que ça. Un bout de gras que ça traîne, ça, ouais, cette histoire. Et je t'enlève le gras de la bouche. Exactement. Ah oui, mais bien sûr. Bah oui, d'accord. Donc, apparemment, il aurait participé à des petites sauteries, comme on dit dans le milieu culinaire. Des trucs assez gros. Des trucs assez gros et assez gras. Était-elle payée? N'était-elle pas payée? Enfin, bref. Dodo Minique de retour dans la compétition cette semaine. Toujours avec du gras sur le feu. Je sais pas si on fait un suspense ou quoi, parce que. On peut, mais je. C'est vrai qu'il y a quand même un favori, je pense. As-tu ramené tes baguettes à suspense? Ah bah non, je sais pas, on va demander à Natos de nous faire 3-4 secondes de suspense. Je sais pas, quand tu les fais comme tu veux. Attention, suspense. Insoutenable. Et c'est Dominique Strauss-Kahn qui remporte cette semaine, évidemment. Et le gragnant, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn. Sans impur, abreuve nos sillons. Oh, et ferme-la. Tortoli et Arbatax présentent le Dracarton. Ah, le Dracarton. Nous y voilà. Voilà, ça y est, nous sommes à l'antenne. Ça y est. C'est l'heure du gras carton alors. Oui, c'est le gras carton puisque c'est une émission spécialement grasse. Mardi gras. Et que, souvenez-vous, le drap carton est un moment privilégié de l'émission consacré à nos amis scandinaves, à nos amis du Nord. Voilà, tout autour de la mer Graltique. toute la Grandinavie. Voilà, mais ça fait un mois qu'on est dessus, il fait froid, Scandinavie, on se balance du son scandinave, il n'y a pas de problème, c'est normal. Big dédicace aux ours polaires du Groenland aussi. Oh là, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu voulais dire? Big dédicace à qui, Gratos? Source du Groenland. Du Groenland, exact. Exactement. L'ours gras. Et cette semaine, dans le Dracarton, deux artistes, enfin peut-être même plus, puisqu'il y a un featuring. On a notre ami suédois, je pense, Promo. P-R-O-M-O. Rappeur, je ne sais plus, à Rasta. À Gredlog. Hein, donc à Gredlog, voilà. Bien connu, peut-être le plus connu finalement, celui qui a la plus grosse carrière pour l'instant. Là, il est en featuring avec un artiste français qui s'appelle Molécule, qui fait de l'électro, qui fait de la prod. Le morceau s'appelle Fallujah. Et puis, ce sera suivi, bah, alors celui-là, on l'attendait. Il nous avait été proposé par un auditeur, Sunny de ABBA, parce qu'ABBA ils sont suédois aussi. Sauf que cette semaine, on a choisi de vous passer le remix de Bully Lanners. Bully Lanners qui ne rate jamais un Mardi Gras et, c'est normal. Et qui est réalisateur belge. Voilà, donc je sais pas si j'étais bien clair. Promo en featuring avec Molécule, Fallujah, suite Bully Lanners, reprise de ABBA. C'est Dracarton, les gros. T'as grassement mené ça. culture, it can't be stopped. Don't you understand? Every man wanna be a pox soldier. From Haitians to Asians, all ages, man, he rocks over. Drowning in Coca-Cola, I know I already told you. And I hate to say I told you so, but I told you so. And then I told you so again, and then I told you some more. I know I was rapping too fast, and so now I take it slow and spell it out for you. Reprise de Abba, Sonny, et c'est un extrait du film Altra en fait, de Gustave de Carverne et de Lépine, les mecs du Groland. Voilà, c'est un extrait du film. Les jaloux vont maigrir, mais nous on est bien gros là, après ouais, cette émission. J'en peux plus quoi. Mardi gras, spécial gras. Les amis, l'heure est gras. L'heure est gras, c'est la fin de l'émission. On va laisser place à nos djibougras de l'émission Djiboutique World Music. Ils prennent l'antenne de Radio Panique à 18h, enfin, ou alors quand on veut, quand on lâche l'antenne, ils la prennent. Bah, il y a Gratali derrière moi là qui me gratte le dos pour justement que je. Gratte la moustache. Oh là là là là. Oh le barbu. Voilà, toujours est-il qu'on va se quitter sur un classique et un classique tellement gras qui s'appelle. Gras. Non. Super gras. Voilà, super gras. Super grasse. Ah oui, exact. Et le titre s'appelle We Are Young, comme nous les gars. Ça tombe bien. On est gros et jeunes. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, aux potes. Salut les gros. À la semaine prochaine. Semaine prochaine. Avec gratos. Au revoir.